si mon cœur osait encore se renflammer? Ne sentirais-je plus de charme qui m'arrête? Ai-je passé le temps d'aimer? Fin de Les deux pigeons. Fable 2 du livre 9e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Le singe et le léopard. Fable 3 du livre 9e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le singe et le léopard. Le singe avec le léopard gagnaient de l'argent à la foire. Ils affichaient chacun à part. L'un d'eux disait: Messieurs, mon mérite et ma gloire sont connus en bon lieu. Le roi m'a voulu voir. Et si je meurs, il veut avoir un manchon de ma peau, tant elle est bigarrée, pleine de taches, marquetée, et vergetée et mouchetée. La bigarrure plaît. Partant, chacun le vit. Mais ce fut bientôt fait. Bientôt chacun sortit. Le singe, de sa part, disait: Venez de grâce, venez, messieurs, je fais 100 tours de passe-passe. Cette diversité dont on vous parle tant, mon voisin léopard l'a sur soi seulement. Moi, je l'ai dans l'esprit. Votre serviteur Gilles, cousin et gendre de Bertrand, singe du pape en son vivant, tout fraîchement en cette ville arrive en 3 bateaux, exprès pour vous parler. Car il parle, on l'entend, il sait danser, baler, faire des tours de toutes sortes, passer en des cerceaux, et le tout pour 6 blancs. Non, messieurs, pour 1 sou. Si vous n'êtes pas contents, nous rendrons à chacun son argent à la porte. Le singe avait raison. Ce n'est pas sur l'habit que la diversité me plaît, c'est dans l'esprit. L'une fournit toujours des choses agréables. L'autre, en moins d'un moment, lasse les regardants. Oh, que de grands seigneurs, aux léopards semblables, n'ont que l'habit pour tout talent. Fin de Le singe et le léopard. Fable 3 du livre 9e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Le gland et la citrouille. Fable 4 du livre 9e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le gland et la citrouille. Dieu fait bien ce qu'il fait. Sans en chercher la preuve en tout cet univers et l'aller parcourant, dans les citrouilles je la trouve. Un villageois, considérant combien ce fruit est gros et sa tige menue. « À quoi songeait, dit-il, l'auteur de tout cela? Il a bien mal placé cette citrouille-là. Et, parbleu, je l'aurais pendue à l'un des chênes que voilà. C'eût été justement l'affaire. Tel fruit, tel arbre, pour bien faire. C'est dommage, Garot, que tu n'aies point entré au conseil de celui que prêche ton curé. » Tout en eût été mieux. Car pourquoi, par exemple, le gland, qui n'est pas gros comme mon petit doigt, ne pend-il pas en cet endroit? Dieu s'est mépris. Plus je contemple ces fruits ainsi placés, plus il semble à Garot que l'on a fait un quiproquo. Cette réflexion embarrassant notre homme, on ne dort point, dit-il, quand on a tant d'esprit. Sous un chêne, aussitôt, il va prendre son somme. Un gland tombe. Le nez du dormeur en partit. Il s'éveille, et portant la main sur son visage, il trouve encore le gland pris au poil du menton. Son nez meurtri le force à changer de langage. « Oh oh! dit-il, je saigne. Et que serait-ce donc s'il fût tombé de l'arbre une masse plus lourde? Et que ce gland eût été gourde. Dieu ne l'a pas voulu. Sans doute il eut raison.

au domaine public. Le berger et son troupeau. Fable 19 du livre 9e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le berger et son troupeau. Quoi? Toujours il me manquera quelqu'un de ce peuple imbécile. Toujours le loup m'engobera. J'aurais beau les compter. Ils étaient plus de 1000 et m'ont laissé ravir notre pauvre Robin. Robin Mouton qui par la ville me suivait pour un peu de pain et qui m'aurait suivi jusqu'au bout du monde. Hélas, de ma musette il entendait le son. Il me sentait venir 200 pas à la ronde. Ah, le pauvre Robin Mouton! Quand Guillot eut fini cette oraison funèbre et rendu de Robin la mémoire célèbre, il harangua tout le troupeau, les chefs, la multitude, et jusqu'au moindre agneau, les conjurant de tenir ferme. Cela seul suffirait pour écarter les loups. Foi de peuple d'honneur, ils lui promirent tous de ne bouger non plus qu'un terme. « Nous voulons, dirent-ils, étouffer le glouton qui nous a pris Robin Mouton. » Chacun en répond sur sa tête. Guillot les crut et leur fit fête. Cependant, devant qu'il fût nuit, il arriva nouvel encombre. Un loup parut. Tout le troupeau s'enfuit. Ce n'était pas un loup, ce n'en était que l'ombre. Harangués de méchants soldats, ils promettront de faire rage, mais au moindre danger, adieu tout leur courage. Votre exemple et vos cris ne les retiendront pas. Fin de Le berger et son troupeau. Fable 19 du livre 9e des Fables de La Fontaine. Fin du livre 9e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public.